Je ride, ride, je fais du rodéo. En concert, j'entends des échos. Je calcule pas, ça les rend paro. Chaque deux semaines, je change de numéro. Je suis la petite, toi, c'est vrai, mais je te vois d'en haut. Je fais la pluie, je fais le beau temps, je fais la météo. Ton album a un flop, j'ai remis le compteur à zéro. C'est la queen, ouais, t'as reconnu la mélo. Je les vois courir après l'oseille. Sur ma vie qui font de la peine. Je suis dans mon deck, pas dans leur game. Je suis sur le ring, je mets que des KO. Je ride, ride, fais du rodéo. Si tu parles trop, faut atterrir. J'ai fait 6 millions de vues, je sais, mais bon, j'avais intérêt. J'arrive, moi je suis pareil, je me cherche, moi je suis pas là. Bien sûr, je veux mon palais, mais racontez pas vos salades. Maintenant, je connais ma route et je me dois de leur montrer. Je veux que le monde écoute et qu'on puisse voir ma montée. Oh, baby, monte me voir, je suis dans la job. Désolé, je veux pas te choquer. Je vais courir après l'oseille. Je suis dans la job. Sur ma vie qui font de la peine. C'est que des fleurs. Je suis dans mon deck, pas dans leur game. Bon, va sans sport. Je suis sur un ring, je mets que des KO. Je ride, ride, fais du rodeo. J'ai fait des erreurs, je sais c'est pas ma faute. J'arrive à 100 à l'heure, il faut pas que je me vautre. C'est mort, ouais c'est mort, ouais c'est hot. Je ride, ride, fais du rodéo. Toi t'es des gains, je parle Roméo. J'suis un flic, j'ai zéro défaut. Millions de vues sur chaque vidéo. Je ride, ride, fais du rodéo. Parfait, c'est bon. Tu vas pas refaire. Non. Vas-y, lourd. T'as kiffé alors? Le plan, il était gangsta. C'était... Vas-y, c'était lourd. Vas-y, viens, je te montre un truc, ça sort bientôt là. Ah ouais, ouais. Vas-y, vas-y. J'en ai fait des incendies.